C'est le moment de la semaine où Raymond Poirier se joint à nous. Oui, voilà, la guitare est finie. Pour sa chronique technologie d'information, bonsoir Raymond. Bonsoir Tania. Et aujourd'hui, tu nous fais un retour sur la GIC 2013. Exactement, Journée de l'informatique du Québec. C'est un événement qui est propulsé par le réseau Action TI. Un événement quand même fort important là, dans le milieu des TI, dans la mesure où ça rassemble beaucoup, beaucoup de monde. On parle d'à peu près 1700 personnes qui étaient présentes la semaine dernière au Centre des congrès de Québec pour assister à l'événement, pour assister à une série de conférences, donc autour justement des technologies de l'information. Et à chaque année, ben c'est quand même possible aussi de trouver des liens entre différentes conférences auxquelles j'ai le plaisir d'assister dans ce contexte-là. Et cette année, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de discussion, de réflexion qui était projetée sur les changements organisationnels. Donc, dans les organisations, qu'est-ce que les technologies de l'information génèrent comme changement, voire même obligent comme changement, parce qu'on peut aller un peu plus loin. On a ouvert la journée, d'ailleurs, là-dessus avec Jean-Marc Eustache, qui est le grand patron d'Air Transat et du réseau Transat, en fait, qui englobe beaucoup plus que simplement des compagnies d'aviation. Oui, on s'entend que les réseaux sociaux, entre autres, avec les compagnies avec un service à la clientèle, là, ils en ont un peu plus sur les bras. Et même au-delà de ça, dans la mesure où on parle quand même d'un groupe qui offre des vacances, des expériences, voyages, et donc eux disent, pour nous, Internet, ça a été une tempête vraiment immense à l'intérieur de l'offre même qu'on faisait, dans la mesure où, jusqu'à récemment, dans le fond, quand on parlait d'expériences voyage, on avait un peu trois groupes clients principaux. On avait les fournisseurs, donc des gens qui fournissent, qui fabriquent les voyages. On avait les agents de voyage, ceux qui les distribuent, qui en font la vente. Et on avait ensuite des producteurs, des grossistes, des voyagistes qui faisaient un peu lien entre les deux, qui offraient des forfaits, qui achetaient des forfaits en gros, qui faisaient de la revente. Et avec Internet, subitement, on n'a plus besoin de passer par un agent de voyage pour s'acheter des billets d'avion. On a coupé un intermédiaire. On n'a plus besoin non plus, une fois qu'on s'est acheté le billet d'avion, de passer par un voyagiste pour acheter des expériences, des tours guidés, des éléments comme ça. On peut aller directement vers les fournisseurs. En plus, ça a développé aussi une autre économie, si on peut dire, via le web. Donc, les gens, les revendeurs de voyages ont des gens comme Groupon, des gens comme Expedia qui achètent en gros, qui revendent en coupant aussi différents intermédiaires. Et donc, face à ça, l'industrie traditionnelle du voyage a été forcée de repenser un peu ses modes de fonctionnement pour garder toujours une marge de bénéfice qui demeure intéressante. Ouais. Et qui, nous dit-il, serait dû quand même de manière assez importante, parce que en même temps, on a des sites, je pense à Kayak par exemple, qu'il mentionnait, qui viennent aussi permettre de comparer les prix d'expérience voyage. Skyscanner aussi, qui est une application. Donc on peut comparer, on va chercher peut-être l'expérience la moins chère. Si on fait une offre plus standardisée, regardez, à cause du web, si on fait une offre standardisée, il faut s'assurer qu'elle soit le moins chère possible, sinon il va y avoir d'autres alternatives. Alors ça force d'un côté à essayer de penser à qu'est-ce qu'on peut offrir de plus en tant que voyagiste, en tant que distributeur, en tant que diffuseur. Donc, quelle serait notre valeur ajoutée ou la valeur ajoutée de l'expérience voyage qu'on propose, d'un côté, dans un contexte donc de plus en plus compétitif et dans un contexte où la compétition se fait de plus en plus large parce que elle devient aussi globalisée. Et également, on ajoute à ça, dans un contexte où les gens voyagent quand même de plus en plus. Donc, c'est une économie qui est en développement parce qu'on est peut-être un peu plus au courant de ce qui se passe comme voyage, on est plus au courant des prix, parce que ça devient plus abordable aussi, peut-être, en lumière de cette réalité de compétition. Il disait, en fait, qu'on voyage quand même beaucoup plus qu'il y a 25 ans, qu'on paye aussi beaucoup moins, voire même jusqu'à 50% moins qu'il y a 25 ans, et qu'il n'y a rien non plus qui va venir, ou du moins qui jusqu'alors venait à arrêter là, l'économie des voyages. On pense parfois à des catastrophes, des cataclysmes qui viendraient peut-être freiner l'industrie aérienne, l'industrie du voyage, mais finalement non, pas du tout. En 2012, on a eu à peu près 1 milliard de personnes qui ont voyagé, donc c'est quand même pas rien. On parle d'une économie qui génère à peu près 85 milliards de dollars, 0,2% du PIB du pays, 600 000 emplois, et ça c'est pour le Canada qui est pas un joueur énorme non plus sur le terrain des voyages. Donc, c'est quand même assez imposant. Et lui disait, regardez, nous, on est obligés de repenser un peu nos modes de fonctionnement face à ça et adresser justement aussi un portrait des différentes options qui sont liées à ça et des différents recours aussi qui sont disponibles pour les voyageurs. On pense par exemple à TripAdvisor, on pense à des sites comme ça où on peut aller donner notre avis. C'est le bouche à oreille, mais en version fois mille. En version fois mille, parce que je ne connais pas nécessairement la personne qui a donné son avis, mais parce que c'est une personne qui a donné son avis, on lui donne peut-être un crédit additionnel que versus un journaliste ou quelqu'un d'autre. On dit, ben, c'est quelqu'un qui a vécu l'expérience normale, qui ordinaire. Qui a payé de sa poche aussi, qui a vécu la même chose que moi, et surtout qu'elle n'est pas seule à donner un avis. Exactement. Ça peut être corroboré par des dizaines et des dizaines aussi de commentaires. Et donc là, subitement, tu parlais des médias sociaux tout à l'heure, Tania, ben, y a la notion justement de réputation à gérer, de réputation avec un petit trait d'union. Là. Donc l'idée que justement une mauvaise nouvelle, un mauvais commentaire se propage quand même beaucoup plus rapidement qu'un bon. Alors ça amène beaucoup de paramètres, beaucoup de paradigmes au niveau d'une entreprise comme Transat. Évidemment, si les entreprises changent, ben les organisations au sens très large changent aussi. Et quelle organisation au sens très large est plus large que l'État lui-même? Alors, évidemment, dans le cadre de la GIC, on a exploré différents axes. D'un côté, il y avait une dame donc du gouvernement fédéral, donc qui elle venait nous parler un peu de l'offre en ligne du gouvernement, qui disait, regardez, pour l'instant il y a à peu près 1500 sites sur lesquels on peut aller commander des formulaires, des papiers, des documents, des éléments. Notre but d'ici 3 ans, c'est qu'il y en ait un. Donc l'idée de recentrer un peu ces éléments-là, et ça venait un peu corroborer des commentaires qui avaient été amenés par Bernard Benamou de Proxima Mobile. Donc c'est les portails citoyens, en fait les portails gouvernementaux à l'intention des citoyens qui ont été développés en France, et qui dit ben d'un côté, regardez, si votre solution au niveau d'un site web, au niveau d'une application qu'on veut propulser via le web pour le bénéfice des services aux citoyens, mais si c'est pas quelque chose qui est ergonomique, qui est facile d'accès, qui est simple, eh ben c'est un peu comme si vous ne l'aviez pas fait. À ce point-là. Parce que les gens ne l'utiliseront pas. Donc oui, vous l'avez fait physiquement, mais si une application, si un outil n'est pas utilisé parce qu'il est trop dur ou parce qu'il est trop complexe à trouver, eh ben ça ne devient pas pratique. Et donc même au niveau, par exemple, bon, si on pense au changement d'adresse, ça fait quelques années qu'on peut au Québec avec un site aller changer son adresse, mais avant ça, c'était plus complexe de le faire via le web que finalement de le faire progressivement par papier, où c'était à peu près la même chose. Donc il y a cette idée de simplicité qui doit prédominer dans l'action et dans les éléments qui sont propulsé via le web, dans la perspective évidemment de la capacité de maîtrise des citoyens, des usagers, qu'on soit dans une organisation ou gouvernement, c'est un peu la même chose. Donc c'est pas tout le monde qui est apte, qui a les connaissances, qui a les capacités nécessaires pour réaliser des actions complexes dans un contexte comme celui-là, que ce soit au niveau de défis de littératie, de défis technologiques ou autres. Donc, il y a ça. Et en même temps, ben, ça amène aussi des défis de formation, duquel on pourra reparler en cours de route. Évidemment, c'est vaste, ce sujet-là. Mais l'élément qui est intéressant, qui est amené par M. Benamou, c'était l'idée aussi, un peu comme on disait pour les organisations, ben, que c'est possible maintenant d'aller corriger, commenter, réfléchir, monter nos options à nous à partir des outils qui sont disponibles, mais ça devrait être un peu la même chose aussi du côté de l'État. Dans la mesure de l'accès aux données, donc on en a déjà parlé un peu des données ouvertes, donc l'idée de rendre disponible sur le web ce qui est déjà disponible normalement, en fait, mais s'assurer d'avoir un format qui est facile d'usage, et cette information-là, donc, le fait qu'elle est disponible, ça peut rendre aux citoyens des éléments pour lesquels, collectivement, les citoyens ont payé via taxes, impôts et le reste. Donc, un peu un retour d'ascenseur, un retour de service, une fois que l'État a utilisé ce qu'elle avait besoin dans ces données-là, donc peut-être que d'autres usages. Tu parles de la simplicité, on peut le voir, par exemple, avec les applications mobiles, de temps à autre, elles sont tellement bien faites que plutôt que d'aller sur le site Internet, par exemple, des horaires de cinéma, on préfère prendre le téléphone ou le iPad, aller voir dans l'application que d'aller sur le site Internet, ou à l'inverse, je pense, par exemple, à l'application du 511, parce qu'elle est extrêmement mal faite, absolument pas intuitive, on va chercher pendant presque 20 minutes pour notre solution. Là, on préfère peut-être retrouver un ordinateur pour aller rapidement trouver notre information. Donc, tu parlais de simplicité. Qu'on ait un site Internet ou qu'on ait une application, on va aller vers le plus simple et le plus facile et le plus rapide. Et l'intérêt avec les données ouvertes, par exemple, c'est de dire, nous, on vous propose les informations, elles sont disponibles, mais on n'est pas obligé de proposer la solution. Donc, l'exemple au niveau des travaux du service 511, bon, donc l'information est disponible. Ici, le gouvernement donc a décidé de produire son application, donc de ne pas sous-traiter ou de ne pas rendre offrir la possibilité aux gens de produire eux-mêmes leur outil. Mais donc l'idée, ce que M. Benhamou disait, c'est que l'État n'a pas nécessairement l'obligation d'aller jusqu'au bout d'un processus comme ça. Il peut simplement dire, ben voici, maintenant, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a tel truc qui pourrait être fait avec ça. On propose des données, on propose peut-être quelques idées. Allez-y ensuite pour développer ces éléments-là. Et donc, permettre de manière un peu plus large, dans le fond, aux citoyens, citoyennes, de co-construire l'État, de co-construire en fonction des besoins qu'ils identifient et en fonction de la simplicité avec laquelle ils veulent pouvoir résoudre ces besoins-là. Dans un monde où, et je trouvais la phrase intéressante, donc je la redis, dans un monde où l'État n'a plus nécessairement l'obligation de réaliser de A à Z une initiative, et dans un contexte aussi, et ça c'est une phrase un peu plus poétique, où il disait, aujourd'hui par exemple, en lien au web ou autres éléments, on n'a plus besoin d'apprendre aux gens à surfer, on a besoin de leur apprendre comment faire des vagues. Donc, d'aller une étape plus loin. Ouais. Pour justement continuer à développer tout ça. Et ce qui nous amène à se dire que, d'une certaine manière, c'est effectivement un changement en profondeur qui se passe à l'intérieur des organisations, qui est engendré par les TI. On le voit donc du côté offre commerciale, on le voit du côté offre étatique. J'ai eu l'occasion de le voir aussi du côté plus académique, si on peut dire, donc au niveau des formations. C'est un peu le troisième angle, si on peut dire, que je mettrais de l'avant dans ce petit regard sur la GIC 2013. Donc l'idée de ce qu'appellent les MOOC, M-O-O-C, donc les cours massifs en ligne multipersonnes, donc il n'y a pas encore d'acronyme sexy en français, là, mais c'est Massive Online Open Courses. Okay. Donc l'idée qu'on va s'inscrire à un cours universitaire, de niveau universitaire offert par une université ou par une institution équivalente, bon peut-être un cégep aussi, et donc qu'on va s'y inscrire gratuitement, qu'on va avoir accès à une évaluation réelle, à une diplomation réelle, et que ces cours vont être offerts en ligne d'une manière X, Y ou Z. Bon, évidemment, si on a des cours, parce que dans certaines inscriptions, il y a eu un cours en face Stanford en 2011 sur l'intelligence artificielle, c'est monté à plusieurs milliers de personnes qui sont inscrites au cours. Donc, évidemment, on peut pas demander à un professeur non plus de corriger l'ensemble des copies. Corriger 3000 travaux. Ça, c'est une certaine difficulté. C'est beaucoup. Donc, ça devient un peu une évaluation par les pairs. Il y a c'est pas exactement la même chose qu'un cours standard, mais il y a quand même des éléments donne une crédibilité, si on peut dire, à ce type d'approche-là et à la résultante qui en est donnée. Et donc, c'est un phénomène qui est de plus en plus en émergence. Il y a une multitude de plateformes qui se sont installées sur le web. Il y en a même une qui a été relancée la semaine dernière, Océan. Il y a EDX, MOOC, IPA, EduLib, Coursera, Udemy et plusieurs autres. Et donc, on va magasiner un peu là-dessus des formations. Donc, c'est des plateformes qui vont justement servir d'agrégateur pour les différents cours en ligne qui sont offerts là-dessus. Et là, c'est un peu le questionnement. Donc, bon, oui, on offre la formation, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut ramener des gens à s'inscrire dans des cours au collège, à l'université? Est-ce qu'on peut monétiser la chose? Est-ce que ça devrait être dans un contexte d'éducation citoyenne libre, etc., etc.? Donc, quand même plusieurs questions. Et ça montre un peu aussi la manière dont le changement est engendré, dans la mesure où c'est un projet initialement qui fait boule de neige et tranquillement en fait des nouveaux modes qui viennent un peu s'imposer, et c'est en cours de ce développement-là parfois un peu mis face au fait accompli dans la mesure où il y a des gens qui le font, qui le mettent en œuvre, qui le réalisent, et ben que là on doit essayer de trouver des amorces pour s'assurer la pérennité peut-être de ce type d'éléments-là, ou s'assurer des manières de pouvoir intégrer ces nouveaux modèles-là dans des modèles qui sont déjà existants, qui pourraient soit en bénéficier ou soit faire bénéficier les nouveaux modèles de leur expertise. Bref, on n'a pas fini de s'amuser avec ça. Oh non! Raymond Poirier, est-ce qu'on retrouve plus d'informations sur les conférences auxquelles tu as assisté sur le site de l'ITIS? En fait, il y a quelques-uns des diaporamas qui sont propulsés sur le site de la GIC. Évidemment, sur le site de l'ITIS, on a toujours quelques informations aussi, itis.laval.ca. Sinon, mettez GIC Action TI dans votre moteur de recherche préféré. Vous devriez trouver aussi quelques informations complémentaires à ce qu'on a dit aujourd'hui. Alors, on ira faire une petite recherche si on veut en savoir plus. Pas évident de résumer des heures et des heures de conférences. J'en ai choisi 3 sur une dizaine. Donc. Mais Raymond Poirier, merci beaucoup d'avoir fait le tri de cette information pour nous. On se retrouve lundi prochain et on se rend sur itis.ulaval.ca pour entendre les autres chroniques qu'on a fait ensemble.